Merci d'être avec nous dans ce journal dont voici tout de suite le sommaire. Du travail des enfants de moins de 16 ans en vacances, la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi attire l'attention des pouvoirs publics sur le caractère esclavagiste sous des dehors humanitaires, caractère esclavagiste de ces activités. Les fers à béton normaux utilisés au Burundi doivent mesurer 6 mm et plus. C'est le directeur général du Bureau burundais de normalisation et contrôle de la qualité qui a fait cette mise au point ce jeudi. Et la prochaine rentrée en province Kayanza risque d'être compromise par un vol de manuel dans les établissements scolaires. Une des victimes rapportées est l'école fondamentale de Gasengi 2. C'est en commune Rango où plus de 1000 livres sont aujourd'hui introuvables dans la bibliothèque. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Du sport pour ouvrir ce journal, l'équipe nationale burundaise de handball des moins de 19 ans s'est officiellement retirée des prochains matchs de la Coupe du Monde qui se joue à Zagreb en Croatie depuis mercredi le 2 août. Selon la Fédération internationale de handball, cette équipe burundaise devait encore livrer deux matchs, dont celui contre le Bahreïn ce jeudi 10 août. Mais selon des sources bien informées, parmi ces jeunes handballeurs burundais, une dizaine sur les 13 faisant partie de la délégation se serait volatilisée dans la nature et manque à l'appel. L'équipe nationale burundaise de handball des moins de 19 ans avait quitté Bujumbura lundi 31 juillet. Le travail des enfants de moins de 16 ans n'est pas permis par la loi, sauf dans les cas où leur pays connaît des situations telles que la pauvreté. Explication donnée par Adrien Deleguimana, chargé de la communication et du plaidoyer au sein de la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, FENADEB. Au moment où il s'observe des enfants qui exercent des activités génératrices de revenus pendant leurs vacances, afin de pouvoir se payer du matériel scolaire, il appelle les autorités Il attire plutôt l'attention des autorités sur ses activités et lutter contre l'esclavage des enfants qui se fait en cachette. Suivez-le. Des enfants au niveau du Burundi qui aident les parents à travailler pour collecter des fonds dans le but de pouvoir combler le vide dans l'achat du matériel scolaire serait plus ou moins toléré. Nous considérons également que dans les années antérieures, nous observons des enfants qui ont abandonné le banc de l'école suite au manque de matériel scolaire. Nous disons que les enfants peuvent y travailler dans le but d'obtenir ce cahier, dans le but d'obtenir cet uniforme pour ne pas abandonner. Parce que si les enfants abandonnent, c'est aussi la perte d'un droit à l'éducation. Mais ça serait une chose grave. Le travail des enfants qui sont recrutés, hébergés, transportés, accueillis, qui existent ici au Burundi, c'est considéré comme une traite. Et dans ce cas-là, il y a des enfants qui sont recrutés pour travailler dans les ménages, pour travailler dans les plantations à l'étranger, les plantations de champs pour garder les animaux sauvages contre le ravage des champs. Et il y a aussi des enfants qui vont garder les troupeaux de vaches ou de chèvres. Et ces enfants, des fois, ne sont pas rémunérés, ne sont pas payés à juste titre. Et ce sont les recruteurs qui sont payés ou les parents sont directement payés et les enfants ne bénéficient rien. Et des fois, s'ils réclament leur salaire, ils sont maltraités par leur employeur. Et au niveau de la FENADEB, nous disons que tout un chacun devrait être sensible à cette question. Nous sommes au 21e siècle. Personne n'est à l'abri de la traite. Il faut que tout le monde soit conscient et essayer de dénoncer ce genre de comportement pour les instances habilitées afin que les auteurs puissent être poursuivis et les enfants rétablis dans leurs droits. Adrien Deleimana, chargé de la communication et du plaidoyer au sein de la FENADEB. La commission Vérité et Réconciliation Sévère a enregistré plus de 30 leaders upronistes et ont été assassinés, portés disparus ou écartés de la politique après les élections de 1961. D'après ces enquêtes menées sur la période allant de 1960 à 1973, le président de la Sévère indique pourtant que les élections avaient été libres avec l'aide de l'ONU. Au cours d'une conférence de presse ce jeudi, Pierre Claver Ndayicariye a déclaré que le Burundi n'a plus besoin d'être appuyé dans l'organisation des élections, mais que les dirigeants et politiques doivent connaître son mal du passé en vue de promouvoir la tolérance politique. Alain Désiré Boukéenez. Suivant les enquêtes de la CVR menées en 2022, la commission a déjà identifié 34 leaders de l'UPRONA assassinés ou écartés de la politique. Parmi ceux-ci figure le prince Louis Gwagasore. Les mobiles étaient essentiellement liés au coup d'État qui s'opparlait ces périodes et aussi certaines idées qui avaient la volonté de renverser le roi Lomwami. Le président de la CVR, Pierre Claver Ndayicariye, déclare que cela s'est passé alors que les élections de 1961 ont été les plus libres et démocratiques avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies. Il y avait une volonté interne qui voulait les élections, une partie de la volonté interne qui était contre les élections, et au niveau des Nations Unies, la maturation vers l'idée d'autodétermination était déjà remarquable. Et cet appui de l'Organisation des Nations Unies n'est plus considéré comme nécessaire, selon l'ambassadeur Pierre Claver Ndayicariye. Non. 2025, les époques ont changé. Les époques ont changé. Même en 2020, nous avons déjà expérimenté l'organisation des élections avec les ressources budgétaires de la nation. Les temps ont changé. La maturité de nos pays, elle est là. Et puis il y a les expériences, des leçons du passé. Les leaders et politiques du Burundi doivent connaître cette vérité et l'ambassadeur Pierre Claver Ndayicariye trouve que cela pourra leur aider à renforcer la tolérance politique. Quand on dit une mauvaise expérience et quand on analyse les conséquences de cette mauvaise expérience au niveau de la violence, au niveau de la gouvernance, au niveau de la violation des droits de l'homme, il faut mettre une croix pour que nous puissions dire le respect de la vie humaine est sacré. La CVR se réserve de qualifier les actes commis au cours de cette période visant essentiellement les leaders. Ambassadeur Pierre Claver Ndayicariye annonce qu'en 2022, la commission a déjà produit un rapport détaillé qui sera présenté à l'Assemblée nationale. Alain Désiré Boukéenez. Les matériaux de construction, surtout les fers à béton, qui ne remplissent pas les normes, ne sont pas autorisés à être importés. Le directeur général du Bureau burundais de normalisation et contrôle de la qualité l'a dit ce jeudi dans un point de presse. Séverin Sindai Kengera indique aussi que deux camions en provenance du Kenya et qui transportaient ce genre de béton ont été refoulés, ajoutant que les fers à béton normaux utilisés au Burundi doivent mesurer 6 mm et plus. Suivez. Les fers à béton qui sont vendus sur plusieurs marchés burundais. La majorité de ces fers à béton ne remplissent pas les normes. Normalement, la norme que nous utilisons ici pour les fers à béton, c'est une norme de l'EAC. Une norme qui montre bien les paramètres physiques, mais aussi les grades que ces fers à béton doivent respecter. Ce que nous avons remarqué, c'est que la majorité de ces fers à béton qui se trouvent ici chez nous sont vendus sous une étiquette qui n'est pas les leurs. Vous trouvez ici des fers à béton avec un diamètre de 4,5 mm, 5,5 mm, 7,5 mm, alors que dans la norme, ce type de diamètre n'est pas dedans. Nous venons de rejeter au poste d'entrée de Kovero deux camions en provenance du Kenya, puisqu'ils transportaient des fers à béton non conformes. La majorité de ces fers à béton avaient comme diamètre 5,5 mm et d'autres 7,5 mm. Et pire encore, quand ils sont vendus au marché ici chez nous, ceux qui ont 5,5 mm, nous venons de refourer ces camions et nous osons espérer que désormais aucun fer à béton non conforme ne va entrer au pays. Il en est de même pour d'autres matériaux de construction, les fils électriques, les tubes, les tuyaux en plastique, etc., etc. On va les contrôler. Et ces fers à béton qui se trouvent au marché et qui sont non conformes, nous sommes en train de réfléchir pour voir ce qu'il faut faire. On peut proposer leur refonte pour que ces fers à béton entrent dans la gamme qui sont conformes aux normes. Ici au Burundi, il y a deux unités de fabrication de fers à béton, Iron and Steel et Fabrication. prime état. Mais ce que nous demandons, c'est que ces activités soient faites conformément au respect de la conformité. Comme ça, petit à petit, on va vivre dans un pays où l'évaluation de la conformité au profit de la santé des consommateurs, au profit du respect des normes, pour que les produits transformés surtout puissent aller au marché et être compétitifs, soient effectifs. Nouvelle des Provence à présent, le vol de manuels scolaires est rapporté ces jours-ci à certains établissements de la province Kayanza. L'exemple étant celui de la commune de Rango où à l'école fondamentale de Dogasengi 2, on y a volé plus de 1000 livres comme le confirme le directeur communal de l'éducation. Wachimanza Ernest s'inquiète d'ailleurs que ce vol pourrait perturber les activités de la prochaine année scolaire. Patrick Sengyo. Selon des informations fournies par la direction communale de l'éducation en commune Rango, ce vol de manuels scolaires s'est beaucoup manifesté depuis la fin de l'année scolaire 2021 et 2022 et pendant les vacances du second palier de l'année scolaire 2022-2023. Bachimanza Ernest, directeur communal de l'éducation en commune Rango, donne l'exemple de l'école fondamentale Gassigny 2 où on a volé 1069 livres, composés des livres de l'élève et des fichiers du maître. Selon la même source, un vol pareil s'est manifesté aussi à l'Ecofocalé où on a volé 508 manuels scolaires. Le directeur communal de l'éducation en commune Rango indique que le vol de ces livres se fait par des bandits non encore identifiés qui défoncent les bibliothèques des établissements scolaires en ainsi des veilleurs de nuit, lesquels sont en âge de plus de 60 ans et perçoivent au moins 15 000 comme salaire mensuel. Bâtiment Zernest fait savoir que d'autres établissements scolaires ayant subi le vol des manuels scolaires sont surtout les écoforts Wirizi, Karehe, Gikuyo et Nyabitwe et les livres volés sont des livres des différents en cours de la 7e et la 8e année. Afin de pallier provisoirement à ce problème du manque de ces livres pour la prochaine année scolaire, le directeur communal de l'éducation à Lango indique que l'on procédera à la gestion locale des moyens matériels en demandant aux écoles qui ne sont pas victimes du vol des livres de prêter aux autres établissements scolaires ayant subi ce vol. Bâtiment Zernest appelle également au ministère et à l'éducation en ses attributions de revoir à la hausse le salaire des veilleurs de nuit des établissements scolaires. Vous saurez que la fin de la semaine passée, des bandits non encore identifiés ont volé plus de 430 manuels scolaires à l'Ecofo Kirema de la commune scolaire Kayanza en province scolaire de Kayanza. Depuis Kayanza, Patrick Kessengu va pour la radio Isanganiro. Et certaines associations de femmes dans la commune et province Makamba n'ont pas encore introduit leur demande de crédit auprès de la Banque d'investissement et de développement pour les femmes. Leurs leaders disent qu'il y a des membres qui ne parviennent pas à payer les cotisations de base à cause de la pauvreté, d'où elles se retrouvent dans l'incapacité de chercher tous les documents nécessaires ou de se rendre au siège de la banque à Gitega pour le suivi. Lors des séances de sensibilisation tenues à leur endroit ce mercredi, le directeur commercial à cette banque leur a promis de les retrouver chez elle, pourvu qu'elles apprêtent tous les documents nécessaires. Élisée Cuisera. Ces femmes leaders de certaines associations dans la commune et province de Makamba disent que la pauvreté selon laquelle certaines des associations de femmes ont été capables d'introduire leurs demandes de crédit auprès de la Banque d'investissement et de développement pour les femmes, BDF en sigle, est liée à la production agricole qui n'a pas été bonne suite au changement climatique. À cette production critique s'est ajoutée la hausse des prix. Et par conséquent, certains membres se sont découragés et retirés de ces associations pour manque de cotisations de base. De l'autre côté, les femmes leaders dont leurs associations disposent déjà tous les documents nécessaires disent que les membres s'insurgent contre elles sous prétexte qu'elles auraient utilisé leurs cotisations pour leurs fins. Vu combien ils attendent à présent que le crédit demandé leur soit octroyé. Ces femmes craignent que le crédit puisse leur parvenir très tardivement en considération de la saison culturelle et A. Elle demande à cette banque de leur donner le crédit contracté à temps, sans toutefois leur faire attendre les associations en cours des préparatifs. Le directeur commercial à la BDF, Zina Mireille Ingabire, demande à ces associations de chercher tous les documents nécessaires pour introduire leur demande de crédit afin que la BDF les rencontre dans la province aussitôt que les préparatifs terminent et leur assure qu'elles vont bénéficier de leur crédit dans les meilleurs délais au profit de cette saison. Cela a été dit à Makamba pendant les activités de sensibilisation sur les conditions d'obtention du crédit octroyé par la BDF à leur endroit. Depuis Makamba, Élisée Kwizera, Radio Isanganiro. Et beaucoup de pharmacies ont été ouvertes au chef-lieu de la province de Cibitoke, où l'on retrouve plus de 20 officines sur une distance ne dépassant pas 2 km. Les habitants de la localité s'en réjouissent du moment qu'ils peuvent également y bénéficier des tests de paludisme. Mais le médecin provincial rappelle que les vendeurs de médicaments n'ont pas le droit de faire ces tests. Jean-Claude Habiyambéré déclare que la sanction souvent appliquée contre les récalcitrants, c'est la fermeture de la pharmacie et que dans des cas extrêmes, les services de santé peuvent saisir la justice. Correspondance d'Alexis Ndairakitche. Sur une distance de moins de 2 km au chef-lieu de la province de Cibitoke, il y a plus de 20 pharmacies privées. Certaines bénéficiaires de ces pharmacies indiquent qu'ils reçoivent des facilités de la part de ces dernières au moment où les vendeurs de médicaments peuvent leur offrir ces médicaments selon leurs possibilités financières. À part cela, les vendeurs leur offrent d'autres facilités comme le test du paludisme et par après l'octroi des médicaments contre cette maladie. Le médecin provincial à Cibitoke, Jean-Claude Habiyambéré, demande à ceux qui saisissent ces pharmacies de passer tout d'abord dans les services de soins avant de se diriger dans ces pharmacies, précisant qu'ils doivent acheter des médicaments prescrits par les services de la santé, comme les centres de santé et les hôpitaux. Docteur Habiyambéré, médecin provincial à Cibitoke, met en garde les vendeurs de médicaments dans les pharmacies qui n'ont pas le droit de vendre des médicaments non prescrits et surtout qui n'ont pas également le droit de faire des consultations et tests des maladies. Il indique qu'il a prévue pour les récalcitrants et la fermeture de la pharmacie dans des cas graves néfastes à la vie des patients. Le service de la santé saisit les institutions judiciaires. Depuis Cibitoke, Alexine Deragije, Radio Isanganiro. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.